Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير باب صفة الكلام، فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ تفضل. عقيدة السلف هذه الصفة أنه كلام الله مسموع حقيقي مسموع بحرف. نعم، أن الله يتكلم له صفة الكلام وهو كلام حقيقي بحرف وصوت مسموع مفهوم إلى آخره. ما الدليل؟ تفضل. قوله تعالى كلم الله موسى وكلم وكلم الله موسى تكليما. نعم، والقرآن من كلام الله عز وجل. ما الدليل أن القرآن من كلام الله عز وجل؟ عندما تفضل. نعم، أوضح. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن الكريم فكلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا، تقدم معنا، أي تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقله، وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. فهذا الكلام كي إكري دان المصاحف كونا إكونا تان et que beaucoup de muslims wallahi alhamd ils apprennent par cœur, فهذا c'est kalamullah azza wa jal. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال عز وجل: انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر أو أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. Toutes ces adillas pour montrer أن هذا الكتاب العظيم que Allah سبحانه وتعالى il a révélé, c'est la parole d'Allah عز وجل. C'est pour ça qu'il a des احكام à part. ومن هذه الأحكام أنه celui qui voyage en terre d'ennemi, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى qu'on prenne le mushaf avec nous, فلعله il tombe entre les mains de هؤلاء الأعداء, les ennemis d'Allah عز وجل, et عيادا بالله يفعلون به ما يفعل به المجرم الكافر, ربما il l'écrase, ربما il le déchire, إلى آخره. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ينوزع أن تغدي هذا de voyager إلى أرض العدو avec المصحف. Ça, ça nous montre bien que هذا القرآن c'est كلام الله سبحانه, bien sûr avec les autres preuves. وقال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل, يعني القراءة في المصحف. قال في الحاشية: رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة. وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. هذا الذي تقدم ونادي رواه le fils de l'imam Ahmed في السنة, et فيه انقطاع, فيه ضعف, يعني كوبير دون إسناد. وهذا كذلك, cette parole de عكرمة رضي الله عنه كذلك فيها ضعف. قال: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق, ومن قال مخلوق فهو كافر. وهذه حكاية الإجماع يغبخت رحمه الله تعالى هنا لنانيميتي des imams. L'unanimité des salaf أن هذا القرآن il est غير مخلوق. وهذا القرآن c'est كلام الله عز وجل. Et celui qui prétend أنه il est مخلوق, هذا c'est un كافر بالله سبحانه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. هذا كذلك لضعيف. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله jusqu'à la fin de هذا الباب va citer beaucoup de paroles des compagnons رضي الله عنهم ou des imams, et certains de ces آثار فيها ضعف dans الإسناد. وإلا المعاني صحيحة, لا شك أن هذا القرآن ليس مخلوق, c'est كلام الله سبحانه وتعالى. ومنه بدأ وإليه يعود, ça c'est عقيدة السلف. فلهذا il a rapporté l'ijma, فلآثار que tu as qui sont ضعيفة, أي ضعيفة من حيث السند, la chaîne de transmission, il y a une faiblesse, إما une coupure, إما un rapporteur qui est faible. وإلا tous ces textes, ça revient à la même chose, أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. Et parmi son كلام هذا القرآن qu'il a révélé au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم par l'intermédiaire de Jibril عليه السلام. لكن c'est important de savoir, est-ce que فلان من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو من الأئمة عليهم رحمة الله, est-ce qu'il a vraiment dit هذا الكلام حتى on puisse dire فلان il a dit. فمثلا علي رضي الله عنه هذا الكلام فيه ضعف, إلي ضعيف. وإلا فالمعنى فلا شك أن كلام الله كما تقدم غير مخلوق. قوله منه بدأ, هذا سيأتي معنا كثيرا إن شاء الله تعالى في كتب العقيدة. Et c'est l'ijma, l'unanimité des imams على هذا, l'unanimité des salaf أنه سكلام الله إلي غير مخلوق. ومنه بدأ وإليه يعود. أما قوله منه بدأ, أي المتكلم به ابتداء الله عز وجل. منه بدأ أي سكلام سمين الله. même si جبريل après l'a rapporté au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم il l'a propagé, الصحابة رضي الله عنهم ils l'ont propagé, ça reste كلام الله. لماذا؟ لأن celui qui a parlé au départ بهذا الكلام, avec ce كلام, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا قوله منه بدأ. Et ça c'est important, لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يَفَهْمُونَ, et ils disent comment vous dites que c'est la parole d'Allah alors qu'on la récite. نعم, tu récites la parole d'Allah. أين الإشكال؟ Allah subhanahu wa ta'ala تكلم به ابتداء, c'est sa parole, il l'a révélé à Jibril, Jibril il l'a entendu من Allah subhanahu wa ta'ala directement, ثم Jibril il a rapporté la parole d'Allah au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il l'a propagé, expliqué, transmis aux compagnons radiyallahu anhum. Les compagnons ils l'ont transmis jusqu'à de nos jours. فلهذا العلماء يقولون منه بدأ, أي c'est la parole d'Allah. وإليه يعود, il y a plusieurs explications, et parmi les explications عند أهل العلم أنه يرفع قبل يوم القيامة كما جاء في الحديث, أن هذا القرآن سيرفع, il sera plus présent sur terre avant la fin de l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala il élèvera هذا القرآن حتى il restera plus un verset sur terre. فهذا قوله وإليه يعود. فأنا ستعقيدا نحن, لماذا؟ لأن on a des textes في هذا أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن, et on a des textes أن هذا القرآن سيرفع, الله سبحانه وتعالى il élèvera avant la fin des temps. متى؟ quand les gens ils appliqueront plus هذا القرآن, quand les gens ils donneront plus de valeur à هذا القرآن, Allah subhanahu wa ta'ala il élèvera tous ces versets عنده عز وجل. وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. و ces deux athars كذلك qui sont ضعيف. La plupart des athars que tu as عن الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن سكلام الله غير مخلوق, هذه التفاصيل تتخوفها كي سن ضعيف. لماذا؟ لأن à leur époque ils n'avaient pas besoin de détailler هكذا. C'est pour ça que tu trouves quand c'est détaillé comme ça en général il y a un ضعف. لماذا؟ لأن à l'époque des compagnons رضي الله عنهم ils n'avaient pas besoin de détailler. لماذا؟ لأن personne disait القرآن il est مخلوق à leur époque. Personne n'avait des doutes sur هذه الصفة à leur époque. Personne ne rejetait cet attribut, l'attribut de la parole à cette époque. فلهذا هم عندهم à l'époque des الصحابة رضي الله عنهم c'était connu que le Coran c'est كلام الله عز وجل. Quand tu trouves des tafasil عن صحابي في هذا en général ça sera ضعيف. فلهذا الآن تأمل أن tous les آثاركم عن الصحابة ils sont ضعيف في هذا. لكن الإجماع قائم على هذا. C'est pour ça que الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله c'est un imam في الحديث. C'est pour ça que avant de rapporter les آثار عن الصحابة il a cité الإجماع pour te démontrer que même si tu trouves un ضعف dans ces chaînes de transmission اعلم أن قولهم c'est هذا يا الunanimité أنه c'est كلام الله. Si c'est كلام الله forcément il n'est pas مخلوق. Si c'est كلام الله forcément منه بدا c'est Allah تكلم به هو هكذا. وسيأتي معنا بعض أقوال الأئمة صحيحة في هذا. أما عن الأئمة qui sont venus après الجهمية والمعتزلة فكثير جدا les paroles de l'imam Ahmed وغيره l'imam Bukhari etc. في هذا فكثير. لماذا؟ لأنهم ils ont vécu l'époque où بعض الناس ils ont dit que le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est une créature عيدا بالله. قال وروى أو وروي عن سفيان ابن عيينة الإمام رحمه الله قال سمعت عمر ابن دينار رحمه الله c'est le cheikh de l'imam Sufyan ibn Uyayna, Amr ibn Dinar. Et les deux sont cités souvent fi as-sahihayn et dans Kutub as-Sunnah, dans les chaînes de transmission, tu as souvent an Sufyan an Amr. Enfin, c'est Sufyan ibn Uyayna et Amr ibn Dinar. C'est des grands imams de la Sunnah. يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود رواه محمد بن جرير ابن يزيد الفقيه وهبة الله ابن الحسن ابن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. أما هذا الأثر إذا صحيح il est très très important. لماذا؟ لأن كما سيأتي أو on peut lire la fin. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر. هذا الأثر il est important لأن même si on a des أقوال des الصحابة qui sont ضعيف في هذا et la chaîne de transmission هنا الحافظ المقدسي رحمه الله يغبطت عن سفيان أنه سمع عمر son شيخ يقول أدركت ما شيخنا أي j'ai rencontré أو à l'époque de ces مشايخ أي les savants vers qui il a pris la science والناس et à cette époque c'était connu منذ 70 سنة depuis 70 ans. Aïe, Ada, c'est à l'époque de Amr. قال يقولون القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. C'est ça, عقيدة السلف. أن القرآن c'est la parole d'Allah. منه بدا, c'est Allah qui a parlé avec هذا القرآن. Enfin, même si toi tu le récites, même si toi tu l'apprends par cœur, même si toi tu l'écris, ça reste la parole d'Allah عز وجل. Ça reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, il récite la parole d'Allah, il écrit la parole d'Allah. Enfin, on n'a pas le droit de dire la parole d'Allah l'a créé. L'imam al on l'a écrit ou on l'a récité, iyadam billah. هذا الأثر, il est important. Et il est sahih. قوله رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه c'est يلقب إمام المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله صاحب جامع البيان في تأويل القرآن c'est une des références fi at-tafsir, tafsir al-Qur'an. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah, il a beaucoup pris de ce tafsir pour écrire son tafsir. Et certains ils disent que ça, le tafsir Ibn Kathir c'est comme un résumé de ce tafsir. Alors chaque anna tafsir Ibn Jarir c'est min ahsan at-tafsir. Donc il a rapporté ce hasar l'imam Ibn Jarir. Wa qala wa hibatullah Ibn al-Hasan Ibn al-Mansur al-Hafiz. هذا الامام مشهور بالإمام اللالكائي رحمه الله un grand imam صاحب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الطبريان ces deux imams c'est des طبري ابن جرير الطبري الإمام اللالكائي كذلك سان طبري فلهذا قال الطبريان أي les deux في كتاب السنة les deux ils ont un livre sur السنة أما الليفر دو الإمام ابن جرير معروف ومشهور عند طلبة العلم وهو صريح السنة صريح السنة سين رسالة مختصرة في العقيدة طيبة جدا. أما الليفر دو الإمام اللالكائي السنة أي شرح وصول اعتقاد أهل السنة على كل حال هذا الأثر لصحيح كما تقدم معنا إلي أمبورتون. لماذا؟ لأن الإمام عمرو ابن دينار رحمه الله أدرك il a rencontré ou plutôt il a vécu à l'époque نعم de Abu Huraira ou Ibn Abbas ou Ibn Umar. À son époque, ils étaient encore vivants, radiyallahu anhum. Et il rapporte que c'était connu à cette époque que les musulmans jami'an disaient le Coran c'est kalam Allah minhu bada wa ilayhi ya'ud. Personne n'a jamais prétendu que ce Coran est makhlouq. إلا أهل البدع والضلال qui sont venus après ces générations. قال واحتج أحمد على ذلك أي أن القرآن كلام الله بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني. هنا سيتي بوكو دو أدلة في هذا أن الله سبحانه وتعالى تكلم وسيتكلم ويتكلم متى شاء avec qui il veut, avec ce qu'il veut سبحانه وتعالى. Et Moussa il a entendu هذا الكلام et Jibril il a entendu هذا الكلام. نعم فالقرآن سمين كلام الله. Et Moussa il a entendu كذلك un كلام. Et كثير من ممن اختارهم الله سبحانه وتعالى ils ont entendu la parole d'Allah عز وجل. قال وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرث ابن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن أي بقراءة القرآن. إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن. قال في الحاشية حسن قال وليس في الترمذي بهذا اللفظ ثم إلى رابورتي اللفظ. نعم وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. زاد الترمذي قال أبو النضر يعني القرآن. Et beaucoup de ces chaînes de transmission فيها ضعف لكن avec toutes ces chaînes de transmission هنا il l'a rendu حسن. قال ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة. هذا سنرد على الأشاعرة والكلابية. الكلابية يجيز حكاية عن كلام الله, الأشاعرة يجيز عبارة عن كلام الله. Et ça se ressemble et on détaillera pas ici la différence. على كل حال هؤلاء كما تقدم معنا dans le درس précédent يقولون أن صفة الكلام سين صفة ذاتية. أهل السنة يديز كسين صفة ذاتية فعلية. ذاتية أي الله il a toujours eu cet attribut de la parole. فعلية الله il parle avec qui il veut. Et إن شاء الله في القواعد المتلى si on le fait ensemble on détaillera ce point très très important. صفة الأفعال وصفة الذات. على كل حال un résumé ici simple pour que vous compreniez هذه الجملة أن الأشاعرة عندهم donc الله يتكلم بكلام نفسي c'est une صفة ذاتية. فعندهم ce que Moussa il a entendu et ce que Jibril il a entendu et هذا القرآن الكريم que Jibril a révélé au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام pour eux c'est pas كلام الله. عندهم c'est عبارة أو حكاية عن كلام الله أي c'est une créature qui montre la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa illa indahum la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'une chose pour eux. Pour eux c'est comme sifat al-ilm, sifat al-hayat. Mathalan, si tu prends l'attribut de la vie, c'est pas une sifat fi'liya. C'est une sifat datiya. Fi'liya ça veut dire quoi? Fi'liya ça veut dire un attribut que Allah y fait à un moment. On l'a vu avec sifat madha? Ahsanta al-istiwa thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah il a fait hadha al-fi'l cette action et s'est levé sur le trône après avoir créé les cieux et la terre. Et Allah il fait ce qu'il veut, Azza wa Jal. Mafhoum. L'attribut de la vie, sifatul hayat, ou sifatul ilm, ou sifatul qudra, ou sifatul wajh, toutes ces sifats qu'on a vues, c'est des sifats d'atiya. Allah il les a toujours eues, il les aura toujours, et il n'y a pas un moment où il n'a pas cette sifat. Ce n'est pas une action là, c'est une sifat d'at, lazima la, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il est vivant, il a l'attribut de la vie. T'as pas besoin de dire à tel moment il a fait là, c'est l'attribut de la vie. Allah il est toujours vivant. Il a toujours été vivant, il sera toujours vivant. Al-ilm kadhalik, Allah il a toujours sifat l'ilm. Hum, ils ont dit sifat l'kalam, c'est la même chose. Pour eux, al-kalam c'est une chose. C'est pour ça que عند al-ash'ira, c'est très très grave. Il n'y a aucune différence entre Torah ou al-injil ou al-Qur'an. C'est la même parole pour eux. Et ça c'est grave. Là, Allah il a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé à Moussa à Torah, il a révélé à Isa à l'Injil, et là chacun a le sens, il est différent. Un ordre, c'est pas un interdit. Le halal, c'est pas le haram. Indahum là, c'est un tout. Tu peux pas dire que Allah il a parlé plusieurs fois, كذلك ينكرون الحرف والصوت. Ce qu'il a entendu Moussa, indaha oula, c'est pas la parole d'Allah. Là, c'est une chose qui a montré la parole d'Allah. Hikaya ou ibara. Ibara, c'est quelque chose qui montre. Hikaya, c'est quelque chose qui rapporte. Tu dis fulan, yahki an fulan, il rapporte an fulan. Fa'indahum, donc, ce que Moussa, il a entendu, c'est pas la parole d'Allah. Hada al-Qur'an que tu récites, indahum, c'est pas la parole d'Allah. Ces lettres et ces sons que tu récites, indahum, c'est quelque chose qui montre la parole d'Allah. Wa illa la parole d'Allah, indahum, kalamullah, c'est une sifa dhatiya. Kalam nafsi, que tu peux pas entendre, ou écrire, ou apprendre. Et c'est un qawl khatir jiddan. Tu vas trouver un al-ash'ira, dis, n'aim Allah, yatakallam. Lakin, indahum, c'est ala hada tafsir al-batil. Amma inda ahl al-sunnah, on répète la parole al-an de l'imam al-maqdisi, rahimahullah, qal na'taqid, anna al-hurufa, al-maktouba, والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل. أما السنة لا تعقيد أن هذه الحروف qui est écrit في المصحف et ces sons que tu entends, سورة الفاتحة, سورة البقرة إلى آخره, jusqu'à سورة الناس, tout ça c'est كلام الله سبحانه وتعالى. Et ça c'est très très important, لأن كثيرا من الناس se sont égarés في هذا الباب. Retiens un ta, hada le mu'taqad al-jamil est très simple avec ses preuves et incha'Allah ta'ala, livre après livre, tu développeras. Il y a des chouvahs que dire. Ba'dhum, ils pensent qu'ils ont un délire et fil haqiqa, ils l'ont mal compris et c'est devenu une chouvha pour eux. Et c'est pas min al-hikma de tout détailler l'an. C'est notre premier livre. Al-Hafiz al-Maqdisi rahimahullah, il a cité certains points avec ça. Enfin, on reste ensemble à la hada l'ikhtisar. Lakin retiens hada, et bien, idnillahi azza wa jal, dans le wasitiyya, ça sera développé akthar. Dans al-tahawiyya kadhalik. Et dans Kutub Sheikh al-Islam, ou Ibn al-Qayyim ila akhri, c'est détaillé jiddan. Et ba'dul a'imma, ils ont des livres vi hada. Fil harf wa sawt, l'imam al-Qudam rahimahullah, il a un livre. وكثير من الأئمة الإمام السجزي لان ليفر دي رسائل إن شاء الله ستمر معنا هذه المصادر سي ريفيرونس اون اسيرا دون بروفيتي انسامبل وبالله التوفيق. قال الله عز وجل الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك يغابورت دي فيرسيل ان Rahmatullah alayhi, il cite des versets pour montrer que ces versets, c'est min kalamillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit alif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Ça, c'est kalamullah. Le fait qu'il ait écrit ce kalam dans cette risala qu'on a entre les mains et qu'on le récite et on peut l'apprendre par cœur. Est-ce que on va conclure, anna, vu qu'il est écrit l'an, vu qu'on peut le réciter, c'est pas min kalamillah? Na'oudou billah. Ça, c'est l'écartement. Là, minhu bada. Même s'il est écrit sur ce papier, et là, chaque année, ce papier, il est créé. C'est une créature. Et un tata voix, elle est créée. Là, chaque année. Là, qu'une aqidata de sunnah, c'est un al-kalam. C'est kalamullah minhu bada. Et c'est Allah qui a parlé petit d'un avec hada al-kalam. On dit, nous, on a hada al-kalam, qawluhu alif lam mim, c'est min kalamillah, azawajal. Et nous, on récite, on explique, on transmet, wa lillahi alhamd, la parole d'Allah subhanahu. La haqiqa c'est très simple, lakin ahlul bid'a ils compliquent les choses avec leur ignorance et leur shubuhat. قال وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين وقال ألف لام ميم را وقال كاف ها يا عين صاد وقال حميم عين سين قاف فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان فهذا رد على الأشاعرة والكلابية الما تريدية تسك لازم سبيبي في هذا سوكي ديسك سي حروف هذا الحاء هذا الميم هذا العين هذا السين هذا القاف سلبي كي ديك صافي با بارتي دو لا بارول د الله فمرق من الدين وخرج من جمله المسلمين السلف كانوا يكفرون سوكي بريتاندي ك القران لي مخلوق او تلتر سي با لا بارول د الله سي تري تري غراف في الحقيقه لكن كثير من الناس يزون دي شبه فلهذا العلماء مونتر يزيكسبليك اي سلبي كي روجيت الحق ابقي لا بوغ كومبري لا شك الى على خطر عظيم ومن انكر ان يكون حروفا فقد كابر العيان صحيح كلكو جوز دو واضح الله سبحانه وتعالى يقول quand on récite on le dit نحن qu'est-ce qu'on dit quand on récite n'importe quel مسلم il dit قال الله مثلا on dit tous قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه chaque مسلم il récite هذا فon dit قال الله donc c'est قول الله c'est كلام الله et après on récite des حروف donc c'est واضح لكن أهل البدع والضلال عيادا بالله des choses claires فلهذا السلف عندهم c'était connu تقدم معنا أثر عمرو بن دينار رحمه الله c'était واضح عندهم أنه هذا القرآن من كلام الله عز وجل قال وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه غيره من الأئمة وفيه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا صحيح موقوفا سلا بغل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى بكو دو شواهد لا شك أن هذا الموقوف Et هذا الأجر العظيم ça peut venir que من الوحي لأن qui c'est qui va informer ابن مسعود رضي الله عنه أن chaque lettre dit حسنة هذا الأجر cette récompense ça peut venir que من الوحي فلا شك أن هذا الموقف إلى الصحيح عن ابن مسعود لا شك أن هذا ça vient من الوحي لعل إلى السيتي هذا نعم قال في الراجح الموقف على عبد الله بن مسعود وهو صحيح عنه قال وروى يعلى ابن مملك عن أم سلمة أنها نعتت أي وصفت النعت الصفة نعتت أي على ذكر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا ورواه أو رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي وقال حديث صحيح حسن غريب نعم فالحديث إلى ضعيف الشاهد منه حرفا حرفا أي لا شك أن هذا القرآن سدي حروف السي حروف سي لا parole d'Allah سبحانه وتعالى لماذا الأئمة Ils appuient beaucoup, ils insistent beaucoup à le Coran, حروف. Fait la haqiqa pour nous, c'est واضح. Un muslim qui a la fitra, walillahi alhamd, qui n'a pas connaissance des paroles des innovateurs fi hada albab, min ash-sha'ira wa kullabiya ila akhirih. Pour lui, c'est واضح. C'est la parole d'Allah, c'est avec des lettres, c'est une parole que tu peux entendre, c'est clair. لماذا الأئمة ils insistent لأن أهل البدع, cette chose claire, ils l'ont rejetée. عندهم كلام الله يا باتسون c'est pour ça qu'il dit un كلام نفسي c'est pas une parole que tu peux entendre là c'est une صفة ذاتية et كذلك c'est pas des lettres لأن pour eux les lettres forcément كما تقدم معنا dans le درس précédent les lettres il faut des مخارج مثلا le قاف إلى مخرج Maintenant, il y a des lettres, ils sortent en plaçant la langue de telle manière. Il y a des lettres, il faut faire bouger les lèvres de telle manière. Ma'rouf. Hada fi fun at-tajwid. Quand tu apprends le tajwid, et al-mudarris, il t'apprend comment prononcer les lettres. Ahyanan, il te dit de mettre la langue dans cette position, les lèvres, kada. Fahoum, ils ont dit, si tu dis que c'est des harouf, al-haqiqa, tu le fais ressembler à Allah Azza wa Jalla. Il y en a pour prononcer des harouf, il faut une langue, il faut des lèvres. Taqaddam ma'ana que c'est batil. La terre, elle parlera, yawm al-qiyamah, ou avant yawm al-qiyamah, tuhaddithu akhbaraha. Et la terre, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas de langue. Ben, les membres des êtres humains, yawm al-qiyamah, kama taqaddam ma'ana, les mains, ils parleront. Et nos mains, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de langue, il a akhari. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fi Mecca, il entendait souvent une pierre qui lui passait salam. Et ta'ammalou, il l'entendait. Donc, il a entendu des lettres et un son. Donc, c'est une parole, cette pierre, elle parlait. Et Allah, il est capable de tout, de faire parler une pierre. Est-ce que cette pierre, elle avait une bouche, des dents, une langue? Non, oudou billah. C'est... La haqiqa, ils ont essayé de fonctionner avec la raison et ils ont khalif la raison et les textes. Hakada ahlul bid'a. Et khalif al ma'koul wal manqoul. Que ce soit vihad ou sifa ou vihayriha. Ala kulli hal, tu comprends pourquoi al-a'imma, ils insistent. Al-imam al-maqdisi al-an, rahimahullah, dans ce passage, il rapporte des paroles à l'A'imma, des preuves pour montrer que Kalamullah c'est des harfs avec des lettres et des sons. Donc, هذا le dernier qu'on a lu, na'am, il est ضعيف. قال وروى سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن نقترئ إذا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه رواه أبو بكر الآجري وأئمة غيره قال في الحاشية للصحيح Hadith, il a été rapporté par plusieurs compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, il les a cités fil hashiya. Awwalan, nastafid min hadha al-hadith al-sahih, an ta'ammalu qawl an-nabi salatu wasalam, kitabullah. Kitabullah. Donc c'est le livre d'Allah azza wa jal. Ay, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit kalamullah, c'est une idafa mawsouf, ou sifa ila mawsouf. Quand on dit kalamullah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta'ammalu qawlahu yuqimuna hurufa. Le Nabi sallam, il a démontré que c'est kitabullah. Thumma qala alayhi salatu wasalam iqra'u al-Qur'an. Ça nous montre que hada al-Qur'an c'est kitabullah. Thumma qala Nabi sallam en décrivant certaines personnes qui viendront après lui, qala ya'ti aqwam yaqra'una yuqimuna hurufa. Ça veut dire quoi, yuqimuna hurufa? Ça veut dire qu'ils réciteront les lettres comme il faut. Chaque lettre à sa place. Chaque makharaj à sa place. Ils ne feront pas d'erreur dans la lecture. Ça nous montre, anna al-Qur'an, c'est kalamullah wa fihi huruf, des lettres. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré dans un hadith, anna, il ne faut pas dire qu'il y a des lettres, fi kalamillah. Ou si on dit qu'il y a des lettres, ça va impliquer la ressemblance. Abadan. Donc, hada, c'est un dalil min kalam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna hadha al-quran c'est des huruf. Tastafid min hadha al-hadith une fa'ida 'azima anna la yakfi al-inaya bil-qira'ah wa la yakfi al-inaya bit-tajwid li'anna at-tajwid c'est un ilm qui t'aide à prononcer correctement les huruf et à lire correctement al-mushaf al-quran wa hadha la yakfi. Bel, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé bien dans le hadith, un qawm viendra après lui, donneront beaucoup d'importance à la lecture. Qala, la yatajawaz taraqihim. Lakin, ça ne dépassera pas leur gorge. Hadhih al-qira'a. Et ça, c'est pas le but. Hadha al-Qur'an, c'est pour méditer. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Hakada qala azza wa jal. فلا يتدبرون القرآن فلا بد من تدبر. أما cette époque في الحقيقة qu'il a décrit le prophète عليه الصلاة والسلام on l'a vu نحن كم من الناس الآن يدون l'importance كالقراءة ربما tu le trouves c'est un imam في مسجد إلى القراءة الطيبة. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Et il s'applique dans la récitation. وربما بعض الناس يغترون به ثم cet imam il dit Allah il est partout. أين قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء؟ أين قول الله عز وجل ثم استوى على العرش؟ ثم تبع لتخوفه يقول أن هذا الكلام كغسد سعبار عن كلام الله. أين قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ دي مخالفات بعضهم دي معاصي. هذا القرآن c'est pas que pour le réciter avoir une belle voix et qu'avaler هذا القرآن. Bien sûr, il faut donner l'importance à la récitation, لكن le comprendre أولا et le mettre en application ثانيا et le propager ثالثا. أما فقط une belle récitation, فكم من الناس ils ont une très très belle récitation ويخالفون ليلا ونهارا. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a informé عن هذا القرآن. C'est pour ça que les Sahaba radiyallahu anhum, كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره radiyallahu anhum, أنهم كانوا يحفظون عشر آيات, ils apprenaient 10 versets. ثم ils les mettaient en application. ثم ils passaient au verset suivant. فلهذا عند الصحابة radiyallahu anhum, أن celui qui connaissait Sourate al-Baqara par cœur, il avait une valeur عندهم. لماذا؟ لأن البقرة a beaucoup d'ahkam. فلهذا celui qui apprenait al-Baqara عندهم, il avait une certaine valeur. Ça montre que quand ils apprenaient, ils mettaient en application. Enfin, celui qui apprenait le Coran par cœur à leur époque, là, chacun d'eux, il comprenait, il mettait en application. Mais tu trouves l'an, وَبَعْضُهُمْ يَحْفَظَ الْقُرْآنِ et لَا يَعْرِفْ de ce ilm إِلَّا الْيَسِيرِ. Rubama, il ne connaît pas sa aqida, Rubama, il ne connaît pas comment se comporter avec le kuffar, Rubama, il ne connaît pas sa aqida tel-wala wal-bara, Rubama, il ne connaît pas l'asma wal-sifat. Et beaucoup de choses. Pourtant, ce Coran, c'est des preuves sur tous ces points qu'on vient de citer. فَالْعِنَايَ بِهَذَا الْقُرْآنِ c'est كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالْعِنَايَ بِهَذَا الْقُرْآنِ حِفْظًا وَتَجْوِيدًا تِلَاوَةً et كَذَلِكْ فَهْمًا وَتَطْبِيقًا عَمَلًا on fait des efforts في هذا العلم والعمل. كذلك, ça nous montre هذا, c'est pas tous ceux qui apprennent le Coran par cœur, أنهم, c'est des savants. أو أنهم يفوق ذنيرا أزد ريفيرانس لا بعضهم يحفظون القرآن والله سعز دعوام اللي كم عامي في الفهم في الفقه يكون القرآن بحكر لكن ما درس العلم الشرعي بل بعضهم يحفظون القرآن يصف باس كيل غيسيد اللي كونس بحكر كم دي زنفون الحافظ القرآن سي با فورسيمون ان سافون لا العالم إلى دوتر شوز يكمبخون القرآن et il a beaucoup d'outils pour comprendre هذا العلم. قال وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. قال في الحاشية ذكره ابن قدامة بدون إسناد. نعم فالله أعلم بهذا الأثر. وعلى كل حال قوله إعراب القرآن أي معرفة معانيه. إعراب القرآن ne pas comprendre l'i'rab qu'on connaît نحن في النحو l'i'rab مثلا ce mot c'est un mubtada ou un fi'l ثم ce lafz c'est un fa'il ثم ce lafz c'est un maf'oul c'est ça l'i'rab qu'on connaît نحن أما هنا c'est pas le mourad là لماذا لأن à leur époque il n'y avait pas de نحو à l'époque de Abu Bakr ou Umar رضي الله عنه il n'y avait pas encore les règles de نحو c'est venu après هذا pour faciliter aux gens la langue arabe هنا المراد بإعراب القرآن أي فهمه فهم معانيه معرفة معانية أي connaître le sens du Coran أحب إلينا من حفظ بعض حروفه لماذا؟ لأن si tu connais le sens même si tu ne l'apprends pas par cœur tu pourras mettre en application مثلا tu sais que Allah il a interdit telle chose في القرآن الكريم si on te demande de réciter le verset tu ne peux pas tu ne connais pas par cœur لكن tu sais que dans le Coran c'est interdit tu t'écarteras de هذا الحرام أما البعض ils connaissent par cœur le verset ثم ils font le haram هذا في الحقيقة c'est grave لأن c'est une hujja ça peut être une preuve يوم القيامة contre هذا الإنسان خاصة s'il n'a pas fait d'effort pour affronter le Coran حجة لك أو عليه et نحن إن شاء الله on fait des efforts في الحفظ والمعنى لأن faut pas qu'on soit d'un autre extrême on n'en donne pas d'importance au حفظ et on prétend que l'essentiel c'est de le mettre en application et on ne donne pas l'importance au hifz. Là, donne de l'importance au hifz, c'est ça l'ilm. Et Kadalik donne de l'importance à la compréhension et met en application autant que tu peux. Et tawakkal ala Allah Azza wa Jal. قال وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن فقال لا ولا حرفا قال في الحاشية أثر علي حسن نعم الشاهد منه ولا حرفا فصعب منطق أن إذا في ست عقيدة أن القرآن فيه حروف Et هذا لا شك فيه. Celui qui rejette هذا, كما قال الإمام عبد الغني مكابر, il n'accepte pas le حق فقط. أما مسألة الجنوب qui récite le Coran, est-ce qu'il peut réciter أم لا? Le جنوب, c'est celui qui est en état de جناب. مثلا, il a eu des rapports avec son épouse. Est-ce qu'il peut lire le Coran? هذه المسألة كما تعلمون فيها خلاف كبير entre أهل العلم. بعضهم يدزل لا, et بعضهم يدز que c'est permis. Et حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا. Tu as l'avis de Ali ici رضي الله عنه الأثر إلي حسن أنه il voit que c'était pas permis et الصحيح c'est que c'est permis et on a déjà détaillé في بعض الدروس les دروس qu'on avait fait sur الطهارة on avait détaillé هذا et كذلك les دروس qu'on avait fait sur الحيض on avait détaillé هذه المسألة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع قال في الحاشية نقل ابن قدامة الإجماع على هذا في البرهان في بيان القرآن نعم الإجماع حتى عن بعض السلف ils ont rapporté هذا أن من كفر بحرف منه celui qui mécroit un حرف du Coran une lettre ففي الحقيقة il croit pas en tout le Coran ça ça nous montre أن القرآن فيه حروف il y a des lettres وقال أيضا من حلف بالسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين هذا ضعيف قال في الحاشية ضعيف رواه عبد الرزاق في المصنف إلى آخر الصحيح c'est permis de jurer par le Coran من حلف بالسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين c'est permis de jurer par le Coran لماذا لأن القرآن صفة من كلام الله c'est permis de jurer avec les صفة celui qui jure par le Coran c'est permis ne pas confondre avec le mushaf le mushaf le papier il a akhri هذا لا أما celui qui jure par la parole d'Allah ou par le Coran هذا c'est pas du shirk لماذا لأن صفة من صفات الله c'est permis donc celui qui jure par le Coran لا شك أنه il a pas de kafara à faire فعليه بكل حرف يمين كما قال Et même s'il jure par le Coran et il khalif son yamin, maintenant il jure et il ne fait pas ce qu'il dit, ben, il n'a pas de kafara pour chaque lettre comme c'est cité ici. Là, il a une kafara. Et tout ça, ma yata'allaq bi al-yamin ou al-kafarat, etc. Tout ça, c'est des durus fil fiqh. Wa qala Talha ibn Musarrif, qara'a rajulun ala Mu'ad ibn Jabal. فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد الشاهد أنه قال فقد تركت حرفا حرف وقال الحسن البصري رحمه الله في كلام الله قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله ذكره ابن كثير قال في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم بدون إسناد نعم هذا الأثر sans إسناد et c'est un كلام جميل et ça explique ce qu'on a cité auparavant قوله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ça nous montre notre comportement qu'on doit avoir avec هذا القرآن الكريم c'est pas qu'un apprentissage par cœur là ou c'est pas qu'une récitation sans méditer قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك c'est un livre qu'on a descendu sur toi et sur le prophète محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ça nous montre أن si tu veux avancer في العلم Tu veux avancer dans ton dîn, tu veux que ta foi elle monte, tu veux comprendre ta religion, fais beaucoup d'efforts sur le Coran al-Karim. At-tilawa wal-hifz, la compréhension des durus, العناية بكتب التفسير سلسة على باز. لماذا؟ لأنه سكلام الله، كلام الله فيه بركة، أصلا كلام مبارك. قال ليتدبروا، أي pourquoi ce كتاب الله إلا révélé، ليتدبروا أي للتدبر. التدبر c'est méditer, réfléchir, prendre du temps pour comprendre. قال آياته، فلهذا قال الحسن رحمه الله وما تدبر آياته إلا اتباعه. التدبر ça veut dire quoi؟ الحسن قال c'est le fait de suivre, le fait d'appliquer. Si c'est un ordre, tu le fais. Si c'est un interdit, tu t'écartes. ثم قال أما والله ما هو بحفظ حروفه صحيح لأن سن حجة. كم من الناس الذين يحفظون القرآن ويخالفونه. ربما تلومونت قال الله عز وجل يتلوسيد تل شوز تل شوز هو يحفظ أحسن منك، لكن son but c'est pas d'appliquer. بعضهم c'est devenu une passion عياذا بالله. بعضهم c'est pour un poste, pour être un imam, pour gagner de l'argent. بعضهم c'est ils étaient petits et leurs parents ils leur ont fait apprendre le Coran et ils l'ont appris et ils le connaissent et ça s'arrête là. C'est du din. حفظ القرآن سن نعمة عظيمة. celui à qui Allah سبحانه وتعالى lui a facilité le حفظ إما entièrement إما une partie. فلا بد من الشكر. الشكر هذه النعمة c'est en faisant des efforts pour réviser, en faisant des efforts pour appliquer, en faisant des efforts pour propager. فلهذا قال الحسن رحمه الله بعضهم يديز قد قرأت القرآن كله. أي je connais le Coran par cœur, je le lis complètement, je l'ai appris complètement. قال فما أسقطت منه حرفا أي j'ai pas oublié une lettre. ça c'est notre شاهد dans notre livre d'Aqida أن القرآن c'est des lettres. ثم الحسن قال وقد أسقطه والله كله. et في الحقيقة il a pas oublié une lettre, il a oublié le Coran complètement. أي s'il ne le met pas en application. ça nous montre أن الحفظ c'est une نعمة لكن ça doit pas être l'objectif principal. فقط الحفظ et on met pas en application. لا إنشاءالله حفظ avec عمل. وقال عبد الله بن مبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. نعم هذا قال في الحاشية ضعيف لكن تقدم معنا الإجماع لنانيميتي دي السلف على هذا أن من كفر بحرف من القرآن celui qui dit مثلا سلام c'est pas من القرآن فهذا c'est pas un مسلم عياذا بالله. لماذا؟ لأنه c'est كتاب الله. on est obligé de croire en tout ce Coran. et تقدم معنا bien sûr التفصيل في التكفير كثيرا. قال وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء فيناديهم بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان. et c'est ça le شاهد. يناديهم بصوت. النداء c'est avec un son élevé. et Allah سبحانه وتعالى يناديهم. سيأتي معنا الحديث اللي ضعيف لكن هذا النداء c'est venu dans beaucoup d'أدلة. قال كل من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. نعم أي القصاص أي personne ne rentrera في الجنة si quelqu'un il doit encore quelque chose à quelqu'un hatta al-qisas baynahum ay kul wahid il répare son injustice thumma ahlu al-janna rentrent fi al-janna. qalu wa kayfa inma na'ti wa kayfa wa inma na'ti Allah uratan ghurlan buhman. qal bil hasanat wa sayyi'at ay comment on va faire ces comptes ay al-qisas entre nous, si je te dois une chose ou tu me dois une chose, comment on va faire alors que yawm qiyamah tout le monde sera nu, pieds nus ila akhirah, ay on n'aura pas de bien. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات. أي ça sera avec les حسنات والسيئات. ça sera pas avec de l'argent. et même si le hadith est ضعيف l'isnad, beaucoup de passages, il y a des autres preuves qui montrent هذا. et il a cité beaucoup de فوائد dans الحاشية. قال وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون السجدة. وذكر الحديث, هذا الحديث اللي صحيح تقدم معنا حديث كي غصم لهذا في كتاب التوحيد. الشاهد إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته, فصنع موضخ أن الله يتكلم avec صوت. La preuve c'est que quand Allah il parle بالوحي سمع صوته أهل السماء. Les anges qui sont dans le ciel, ils entendent son kalam. Ça nous montre que Allah يتكلم بالصوت كما يتكلم بحروف avec des lettres كما تقدم. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Cette mas'ala on l'a cité et l'imam Abd al-Ghani rahimahullah il a fait la précision ici. أما قول القائل qui prétend que les sons et les lettres فلا بد من مخارج. المخارج مثلا c'est la gorge, الحلق, avec la langue, avec les lèvres. فلهذا pour les êtres humains مثلا celui qui n'a pas de langue la chèque, il peut pas parler. Or, celui qui a, il a un problème à la lèvre, rien n'est un problème à la lèvre, et tu as du mal à prononcer certains huruf. L'être humain, il a besoin de ses membres, la langue, les lèvres et l'arrêt, pour prononcer le huruf. C'est pour ça qu'il y a des êtres humains, ils sont muets, il y a des êtres humains, ils ont du mal à prononcer certaines lettres. Enfin, celui qui prétend que Allah, il a pas de, ou que Allah, na'am, son kalam, il est pas bisaut et huruf, ça implique d'avoir ses membres pour ses makharij, c'est un kalam batil. وتأملوا الاستدلال. قال رحمه الله قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما الشاهد؟ هو يتكلم بلا لسان. أي قال يوم نقول لجهنم, le jour où on dira à جهنم هل امتلأت, est-ce que tu es rempli. وتقول, elle répondra, elle dira هل من مزيد. أي elle voudra que des gens y soient rajoutés et qu'ils rentrent في النار. هل من مزيد. فجهنم تقول, elle dira, l'enfer il dira plutôt. Donc ça prouve que جهنم ستتكلم. Donc ceux qui disent que pour parler il faut forcément une bouche, il a akhir, une langue, ça c'est batil, ça c'est dans l'être humain. نعم. أما جهنم لا, on a cité l'exemple, نحن le caillou, on a cité l'exemple avec les membres, il a akhir. فالخالق عز وجل ليس كمثله شيء. Parle comme il veut, سبحانه. وكذلك قال الله عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين قالتا, أي السماء والأرض ils ont parlé, les cieux et la terre ils ont parlé, ils ont dit à Allah سبحانه وتعالى أتينا طائعين, أي se sont soumis à Allah سبحانه وتعالى. قال فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. Tout ce qu'on vous a expliqué, qu'on avait cité pour vous simplifier, il l'a cité on a avec un kalam basit. Est-ce que les cieux et la terre ils ont une bouche, une langue, la akhri? Abdan, man qal bihad. Ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut il fait parler هذا الجدار, ce mur, comme il a fait parler une pierre azza wa jalla à l'époque du prophète, comme il fera parler les membres de certains êtres humains yawm qiyamah, leurs mains, leurs jambes, ila akhiri, comme il a fait le Coran. La terre elle parlera, les cieux ils ont parlé, jahannam l'enfer il parlera. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Fakif, on va dire anna Allah subhanahu wa ta'ala son kalam il est pas biharf wa sauf li anna ça va impliquer kada fil makhlouq, ça va pas impliquer kada. Ça c'est très très grave. Ça c'est très très grave. Fait le haqqaqa, ils ont voulu s'écarter du tamthil, haoula, et ils sont tombés dans une chose très grave. Annaka anna Allah subhanahu wa ta'ala il est pas capable, ayyadan billah. In harafu wa dhallu. Qala wa ruya 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kallamahu adh-dhira' al-masmuma. Na'am. Qala fi al-hashiya sahih. Wa ta'rifun hadhihi al-qissa. Il a cité le hadith, qala fi al-hashiya حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن يهودية من أهل خيبر سمت شاتا, أي une juive في المدينة, elle a empoisonné un morceau de viande ثم أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم elle lui a offert ce morceau de viande, الذراع, فأكل منها وأكل الرهب من أصحابه معه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم. Ils ont commencé à manger. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, arrêtez, levez vos mains, arrêtez de manger. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها هل سممت هذه الشاة؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a envoyé quelqu'un pour emmener cette juive عندها il lui a demandé est-ce que tu as empoisonné هذه الشاة؟ Est-ce que tu as empoisonné cette viande? فقالت نعم. Elle a dit نعم. ثم elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم من أخبرك؟ Qui c'est qui t'a informé؟ لماذا؟ لأنها elle était seule. فعلى été étonné comment النبي صلى الله عليه وسلم il a su. فقال عليه الصلاة والسلام أخبرتني هذه في يدي للذراع فقالت نعم النبي صلى الله عليه وسلم c'est ce morceau qui m'a informé النبي صلى الله عليه وسلم il a entendu il a été informé donc Allah سبحانه وتعالى il fait parler qui il veut et هو سبحانه il parle comme il veut وليس كمثله شيء وهو السميع البصير فباب مفيد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله dans ce chapitre il a récapitulé Il a résumé ma yata'alaq bi hadhihi as-sifa, sifatu al-kalam, an al-Qur'an c'est kalam Allah, et inshallah, on aurait pu détailler ici akthar, lakin vu qu'on a l'intention bi idhnillah azza wa jal de faire d'autres livres, fala nasta'jil, et c'est mieux pour ceux qui apprennent l'aqidah, c'est mieux petit à petit de comprendre awwalan cette aqidah bi al-jumla, tu comprends les chapitres, tu comprends un dalil par bab. ثم للردود للدتاي dans ces مسائل خاصة قول الأشاعرة qu'est-ce qu'ils disent et c'est quoi leur preuve et comment répondre tout ça إن شاء الله dans d'autres livres نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième verse